La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Vous voulez voir la revue à la télé? Oh ben, je veux voir qui est Alors, salut tout le monde. Bienvenue à la Croche-Oreille, édition du dimanche 15 avril 2018. Je vous propose ce soir une rencontre fort sympathique avec le créateur sonore Sylvain Aubé, passionné de musique au sens large. Sylvain est un artiste inspiré par de nombreux courants de la création contemporaine. Il m'a accordé une entrevue il y a quelques semaines autour de ses dernières expérimentations sonores. Alors, sans plus tarder, on écoute un extrait d'une piste sonore intitulée A-A-O-O-A, c'est tiré de l'album Musique austère. On vient d'entendre une pièce intitulée A-A-O-O-A, c'est tiré de l'album Musique austère. Alors, je vous présente Sylvain Aubé que je reçois ce soir. C'est un artiste audio et un créateur de musique électronique et expérimentale. Ses explorations sont, on peut le dire, assez diversifiées, riches sur le plan sonore, et souvent réalisées à partir de fréquences analogues minimalistes, à partir de leur interaction, leur transformation et comme il dit, de leur conflit même et de leurs expirations. Parmi ses techniques préférées de création, il affectionne cette idée de nuage de son, un nuage né de la rétroaction infinie entre les instruments, ce qu'il appelle croiser les faisceaux sonores. Au cours de la dernière année, il a offert des performances sur le circuit local de la musique expérimentale montréalaise et dans différents centres d'artistes, pour en nommer quelques-uns, le centre Clark, La Passe, La Plante et Oboro. Au cours des 5 dernières années, Sylvain Aubé a non seulement développé une identité sonore qui lui est propre, mais il a aussi lancé de nombreuses parutions dont il nous parlera ce soir. Je pense notamment à ses projets individuels intitulés 40 oiseaux, Musique austère, dont on a entendu une pièce en ouverture d'émission, et à l'album Jaune, ainsi qu'à ses nombreuses collaborations collaboration avec les artistes Stéphanie Castonguay et Charles-Alexandre Grégoire qu'on va retrouver sur une étiquette lancée par Sylvain Aubé, l'étiquette Griche. Alors, trêve de placotage et de description, on écoute les propos de Sylvain Aubé que j'ai récolté par transmission téléphonique. Vous serez en mesure de le constater, mais le tout émaillé de ses récents travaux sonores. Sylvain Aubé, très heureux de te retrouver à l'accroche-oreille. Merci, merci. Sylvain, quand on examine ton cheminement de carrière, c'est un cheminement qu'on peut qualifier d'atypique, assez large. Tu as travaillé dans le réseau des centres d'artistes, tu as travaillé comme DJ, musicien, webmestre. J'aimerais que tu me racontes comment tu en arrives à l'expérimentation sonore et musicale. Oui, avec plaisir. Donc, dans le fond, le projet que je lance en ce moment, qui s'appelle donc l'étiquette Griche, c'est une façon donc de regrouper toutes les choses que j'avais fait auparavant. Donc, Griche, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une étiquette de disque à la base, mais en fait plutôt une étiquette de cassette, puisque c'est le format qu'on a choisi d'adopter pour nos parutions. Donc, c'est un projet qui a été lancé il y a un an, mais ça se base sur des dizaines d'années d'expérience au niveau de l'enregistrement sonore, et puis au niveau ça vient aussi après d'autres projets auparavant. Donc, si on remonte dans le temps, j'avais eu d'autres étiquettes. Il y en avait une qui s'appelait Monochrome à l'époque, qui avait lancé plusieurs CD, dont un CD de David Christian en musique électronique notamment. Après, il y avait un projet qui s'appelait Musique Nordique, qui reprenait qui était un net label, en fait, et une émission de radio sur la musique électronique CBL à l'époque. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont venues nourrir le nouveau projet qui est Griche, donc qui est venu nourrir ma démarche. Si tu veux, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance, on va écouter ensemble une pièce tirée de l'album Jaune qui s'intitule Pushing Little Buttons, Pulling Little Knobs, et on poursuit notre entretien par la suite. Sylvain, tu nous as parlé d'un cheminement d'expérience et d'expérimentation diverses, tout ça dans la suite des créations que tu as réalisées ces dernières années. Il y a un projet sous le titre Monocone, c'est un peu mystérieux, ça semble un nom de scène, un avatar peut-être inspiré du nom du compositeur Ennio Morricone. Il y a sous cette intitulé trois projets substantiels, l'album Jaune, 40 oiseaux et musique austère. J'aimerais que tu nous parles de ces projets. Oui, avec plaisir. Donc, pour ce qui est du projet Monocone, donc c'est le pseudonyme que j'ai choisi pour performer en spectacle. Au départ, donc c'était, il y avait cette idée-là, donc de parodie de l'œuvre de Ennio Morricone. Donc c'était des sonorités très très cinématographiques, très héroïques, très très enlevées. Et puis, par contre, donc c'était pas le focus principal du projet derrière. Donc c'était une fois le pseudonyme utilisé, j'ai continué. Et en fait, c'est plutôt un projet de musique analogue carrément. Donc je dirais que c'est un peu à l'opposé de certaines esthétiques qui se fondent strictement sur le numérique, donc sur l'utilisation de l'ordinateur comme instrument principal. Donc de mon côté, c'est vraiment les instruments analogues qui sont au centre du projet. C'est l'utilisation de l'électricité qui est la plus importante. Donc les synthétiseurs, les pédales, les consoles, le son et l'électricité qui passent, qui sont interreliés puis qui s'influencent les uns les autres. Donc c'est un peu ça le cœur du projet derrière. Et Monocone, donc surtout l'album jaune, donc un album très brut, très cru, et on voit directement donc ces influences-là derrière. Comme on a de la suite dans les idées, on va écouter ensemble une pièce nommée Western Spaghetti et on revient sur la suite de ton parcours sonore. Thank you. Eh bien, on vient d'entendre Western Spaghetti, tiré de l'album Jaune, sous le label Monocone. Sylvain, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur cet album cassette de couleur jaune. Ouais, donc l'album Jaune, donc c'est un projet qui est sorti sur cassette directement. Ça a été produit à très petit tirage, comme les autres productions du label Grish. Donc Jaune étant la couleur évidemment de la cassette qui est distribuée, mais aussi il y avait une référence à l'album de Jean-Pierre Ferland dans les années 70. Donc le fait que cette connaissance-là de la musique, de l'histoire de la musique, ça, à mon avis, se perd un peu. Donc il y avait comme une référence cachée à ça derrière le fait d'appeler un album ironiquement Jaune, mais c'est un album que j'adore par ailleurs, cet album-là. Sylvain, il y a sous ce label Monocone un autre projet particulièrement original. Il s'intitule 40 oiseaux. C'est un projet qui cherche à réfléchir et à mettre en parallèle des sonorités du monde animal avec l'appareillage électronique. Comment apparaît ce travail pour le moins inusité? Oui, 40 oiseaux, c'est un projet particulier. Donc, c'est parti d'une anecdote. En fait, j'étais à l'extérieur, en forêt, en camping, et donc où j'étais dans cette forêt en particulier. Donc, les sonorités ressemblaient énormément à ce que je développais au niveau du synthétiseur modulaire à ce moment-là. Donc, des aigus, des sons extrêmement aigus, des variations, des traits, des choses comme ça. Donc, c'est l'inspiration venue de là de combiner synthétiseur modulaire et field recording. Alors, pour se faire une idée de ce beau projet, on écoute une pièce tirée de l'album 40 oiseaux, un titre d'album qui est un clin d'œil, si je ne m'abuse, au label 30 oiseaux de Bernard Gunther. Alors, on écoute un extrait de 40 oiseaux de Sylvain Aubé. Sylvain, si on poursuivait autour de ce label Monocone, à propos de cet album que j'aime beaucoup, il s'intitule Musique austère. C'est un beau travail avec les synthétiseurs et ce concept d'opéra qui est en arrière-plan des sonorités. J'aimerais que tu me parles des origines de ce projet, comment il se développe, tant sur le plan technique que sur le plan artistique. Effectivement, donc après avoir fait paraître l'œuvre jaune, donc en cassette, là où j'avais exploré le synthétiseur analogue à fond comme ça. Donc, Musique Austère, c'était le projet suivant. Donc, c'est un enregistrement nocturne. Donc, c'est un marathon d'enregistrement qui a donné naissance à ce EP-là. Donc, c'est un mini-album. Et puis, donc j'avais cette idée-là d'utiliser le côté vraiment épique des synthétiseurs analogues. Le côté épique qu'on trouve aussi dans la musique des années 70. Donc, le côté des space opera et des éléments comme ça. Et il y a eu des belles surprises. Donc, c'était synthétiseurs, pédales encore en interaction. Et puis, il y avait un moment où le son s'emballait de lui-même, et donc c'est ce résultat-là qu'on va écouter notamment. Donc parmi les pièces, il y a une pièce qui s'appelle Musique Austère, il y en a une autre qui s'appelle Astre. Donc Astre, c'est des milliers d'astres doux, c'est une référence à un poème de Paul-Marie Lapointe, par ailleurs, un poète des années 50, si je me souviens bien. Dis-moi, avant d'écouter cette pièce-là, cette prochaine pièce intitulée Astre, j'aimerais que tu me parles de tes influences. On sent dans ce projet de musique austère des inspirations en provenance de la poésie. J'aimerais t'entendre sur tes sources d'inspiration à la fois du monde musical, mais aussi des autres formes artistiques. Oui, donc... Oui, au niveau de mes influences, effectivement, puisque je suis pas de formation classique, les influences, ça a vraiment été ce que j'ai écouté au cours de ma jeunesse, et puis donc il y a différentes périodes d'écoute derrière. Donc j'ai commencé avec le punk à l'époque, cette esthétique-là monochrome, donc c'était l'idée d'utiliser les couleurs extrêmement prononcées, donc les noirs, les blancs, et c'est drôle parce que le côté visuel m'a beaucoup influencé aussi. Donc on pense à la pochette de Joy Division, par exemple, qui était un exemple magnifique, donc qui a été réalisé par Peter Saville, donc qui exprimait parfaitement bien le contenu, ou des choses comme, par exemple, la pochette grise dans The Cure 17 Seconds ou The Cure Fate, donc qui étaient des très beaux objets. Donc ce côté visuel-là m'a beaucoup influencé pour la période. Donc le côté New Wave, le côté brut, est resté beaucoup dans l'esthétique minimaliste et répétitive là, que j'ai dans la musique de Monocone. Sinon, une autre influence, j'ai écouté énormément de ce qu'on appelle le krautrock. Donc le krautrock, qui est une scène qui était expérimentale en Allemagne dans les années 70. Et puis, à ce moment-là, il y avait une nouvelle génération qui arrivait et qui ne voulait pas simplement reprendre, recopier la musique américaine, mais vraiment inventer un nouveau langage, inventer un nouveau monde. Et puis donc, il y a certains groupes qui ont été plus connus, comme Tangerine Dream, des choses comme ça, mais bon, c'est vraiment des groupes plus underground. Je pense à Noy, Can, Faust. Plus récemment, j'ai découvert Cluster aussi. C'est une scène qui est encore extrêmement influente, la musique krautrock. Et là-dedans aussi, on retrouve encore l'idée de répétition. On a des sons de batterie qui utilisent un même son pendant 20 minutes, par exemple. Et ça, je trouvais ça génial. Eh bien, on enchaîne, Sylvain, avec une autre pièce de l'album Musique Austère et dont on a parlé il y a quelques instants. C'est une pièce qui s'intitule Astre. Thank you. Voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Alors, on est de retour après un bref battement promotionnel. Particules sonores. Particules sonores. Fragments de bruit. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. Vous voulez voir l'arrivée à la télé? Oh, ben, je veux voir que bien. Alors, vous êtes sur les ondes de CKRL, c'est la croche-oreille qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. On s'entretient ce soir avec Sylvain Aubé, un créateur sonore qui a développé de nombreuses collaborations artistiques avec les artistes Stéphanie Castonguay, Émilie Mouchous, Stéphane Claude, Charles-Alexandre Grégoire et Christelle Grisch pour en nommer quelques-uns ou quelques-unes. En complicité avec tout ce beau monde, Sylvain Aubé a lancé en 2017 une étiquette de disques intitulée Grisch, qui est un label de musique électronique et expérimentale, parfois improvisée, qui est surtout implanté à Montréal, mais qui rayonne désormais sur le Québec et ailleurs. Comme le souligne Sylvain Aubé, Grisch est une étiquette plutôt singulière, puisqu'elle produit et diffuse des œuvres sonores sur cassette, c'est à tirage limité, et tout ça fait à la main. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à faire une petite recherche sur la toile à partir des mots-clés Grisch Audio, et vous allez retrouver et la documentation et les points de distribution. Alors voilà, on poursuit notre rendez-vous ce soir avec le créateur sonore Sylvain Aubé. Il y a une autre influence qui a été très marquante chez moi, qui a été redécouverte plus récemment, donc c'est toute la question de la contre-culture au Québec dans les années 60, fin des années 60. Début des années 70, il y avait une période intéressante où c'était à la croisée de la musique populaire et de la musique savante. Donc, on a pu entendre, par exemple, avec des Robert Charlebois et des Louis Forestier, qui sont des personnages de la culture québécoise. Donc, il y avait, par exemple, l'Infonie qui venait jouer sur scène dans le Stitch Show. Donc, des exemples comme ça où il y avait un croisement intéressant entre la musique qui était underground à l'époque et puis la musique populaire. Il y a le Quatuor de Jazz Lib, par ailleurs, qui est un autre projet hyper intéressant à ce niveau-là, donc qui est un groupe de free jazz. Et puis, il y a un label qui s'appelle Tenzier. Donc, quelqu'un qui s'appelle Eric Filion fait beaucoup de rééditions de ses œuvres-là, underground. Il fait tout un travail aussi là, de recherche sur la contre-culture au Québec. Puis, bon, il y avait tout le côté, donc, c'est des gens qui vivaient leur utopie à fond à l'époque. Et puis, bon, leur utopie, c'était le Québec au complet. Puis ça, c'était extrêmement inspirant d'avoir cette idée-là. Donc, je dirais que c'était une autre influence derrière. Thank you. Au-delà des influences, j'aime aussi, ben, il y a aussi beaucoup de rencontres personnelles qui ont été ben, déterminantes pour moi. Donc, on a parlé d'Andrea Jane tout à l'heure. Donc, la musique de, ben, de Stéphanie Castonguet, avec qui j'ai collaboré, mais aussi d'Émilie Mouchous, a été extrêmement inspirante. Donc, ce sont des gens qui, ben, qui construisent leurs propres instruments. J'ai énormément d'admiration pour les gens qui sont capables de faire ça. Donc, moi, c'est pas du tout mon domaine, mais c'est quelque chose que j'admire énormément. Donc, aussi le côté très brut, très cru, très primitif, donc les circuits électroniques. Donc, on entend vraiment l'électricité crépiter dans ces instruments. Et donc, ça a été une influence. Tout comme Stéphane Claude aussi, qui est au studio d'Oboro, donc qui était une grande influence pour moi. Tu viens d'évoquer à la fois des influences, mais aussi des collaborateurs et collaboratrices. Je pense entre autres à Charles-Alexandre Grégoire, Stéphanie Castonguet, Émilie Mouchous. Et là, je fais le pont avec l'étiquette Griche, évidemment, qui regroupe deux albums récents qui s'intitulent respectivement Miroitant et Terra Mater, qui sont le fruit de collaborations. Sylvain, parle-nous des caractéristiques de cette nouvelle étiquette qui s'appelle Griche. Effectivement, donc l'étiquette Griche, ça regroupe des projets personnels et des collaborations aussi, dont celle principalement avec Stéphanie Castonguet, avec qui j'ai joué à plusieurs reprises. Et donc, dans le fond, c'est quoi l'esthétique de Griche derrière ça? Donc, c'est l'idée d'avoir des pièces de musique expérimentale, des pièces sonores, mais c'était aussi l'idée d'avoir de distribuer l'objet, un peu comme l'objet d'art, c'est-à-dire que on sait que la musique est disponible en MP3 en format numérique, mais on voulait, donc je voulais offrir cet objet d'art-là, donc c'est qui peut circuler de main en main, qui est aussi fait à la main, donc chaque cassette est dupliquée à la maison, les pochettes sont faites à la main également, donc il y a tout un travail qui est fait derrière, et ça se sent aussi dans la musique qui est aussi dans ces produits que ce côté-là. Donc, il y a une deuxième collaboration, donc autre la collaboration avec Stéphanie Castonguet. Donc, une autre collaboration en cours avec Charles-Alexandre Grégoire, qui est un ami de longue date et qui est aussi une encyclopédie là, de musique expérimentale et de musique underground. On a collaboré il y a des dizaines d'années de ça sur des disques qui sont à présent complètement introuvables. Il était membre de Zone Grise aussi. Nouveau de Miroitant, c'est une collaboration avec du spoken word, donc mettre la parole de l'avant. En fait, Charles-Alexandre Grégoire compose et déclame et improvise des textes aussi en direct. Donc, en spectacle, il y avait cet aspect-là, donc d'avoir la voix. Le côté spoken word, le côté abstrait mélangé avec donc les synthétiseurs, donc synthétiseurs modulaires et synthétiseurs analogues dans ce côté-là. Et puis donc c'est un projet de longue date et qui continue en permanence en parallèle. Thank you. paramètres expérimentaux qui permettent à l'ensemble de la personne Ben, on vient d'entendre un extrait de Miroitant. C'est un projet de collaboration avec Charles-Alexandre Grégoire. Sylvain, il y a cette collaboration en outre avec Stéphanie Castonguay qu'on retrouve sur l'album intitulé Terra Mater, un très bel album. Tu nous en parles un peu? Oui, merci. Donc, la collaboration avec Stéphanie Castonguay est extrêmement importante là, dans le développement du projet Griche. Donc, Stéphanie était venue me rencontrer après une performance au Centre Clark. On avait décidé de collaborer ensemble. Au départ, on voulait était venue me rencontrer pour qu'on collabore sur des sur un peu de la mise en espace de d'improvisation sonore qu'elle était en train de faire très rapidement. Donc ça, on s'est très bien entendu au niveau de l'esthétique sonore. On a commencé à composer ensemble et puis on a fait plusieurs performances live. Et donc une des performances qui était présentée au festival Sight and Sound en 2016. Et ce qui est spécial pour l'album Terra Mater, donc on fait surtout de l'improvisation habituellement. Donc on a fait une première cassette là en format numérique qui s'appelait 30 minutes de musique impure. Mais pour Terra Mater, on est allé un peu plus loin. Donc on a dit se faire ce qu'on appelle un cycle d'improvisation, c'est-à-dire qu'on on reprenait une formule. Donc on s'était entendu sur une formule, sur un cycle complet d'une trentaine de minutes. On l'a joué des dizaines de fois. On a tout enregistré. Et puis l'album Terra Mater est un montage là, des meilleurs moments de ces cycles d'improvisation là, qui a été joué aussi là au festival Sight and Sound. Donc c'est disponible autant en live qu'en version enregistrée. Et ce qui est particulier, c'est que c'est des instruments faits à la main par Stéphanie Castonguay. Donc notamment dans la performance live, il y avait un instrument qui s'appelle le radiostésia, qui faisait des fréquences très particulières, qui réagissait à la lumière. Il y avait beaucoup de l'utilisation des cristaux et l'utilisation de la radio. Donc Stéphanie avait bâti des instruments donc qui peuvent capter la radio donc avec l'électricité trafiquer ces sons-là. Bon, ça donne une sonorité très très unique, très très particulière. C'est ce qu'on trouve là, sur Crystal Grish. Alors, on vient d'entendre Mélancolique, c'est tiré de l'album Terra Mater. Sylvain Aubé, pour conclure notre entretien, il y a des projets qui s'en viennent pour toi sur le plan de la création ou de la diffusion ou encore d'autres collaborations à venir? Oui, donc dans les projets qui s'en viennent, donc j'aimerais beaucoup continuer à développer l'étiquette de disque Guériche. Il y a des collaborations qui s'en viennent, donc j'ai très hâte de pouvoir vous les annoncer. Ça s'en vient, donc on espère lancer d'autres cassettes d'ici l'été. Chacune de ces cassettes-là, donc on veut travailler au niveau là, de la pochette. On va utiliser les Fab Labs pour avoir des matériaux spéciaux pour les pochettes. Et puis, mais c'est donc pourquoi les cassettes? Donc c'est un format qui est très, très désuet. Donc les sonorités sont limitées, mais c'est drôle parce que c'est un format qui a une nouvelle vie, qui est encore extrêmement populaire dans les bandes de noise en ce moment. Partout en Amérique du Nord, dans chaque petite ville, il y a des labels de cassettes qui font ce genre de musique-là. C'est très abordable. abordable, c'est très facile à envoyer par la poste. Donc c'est donc je trouve ça très intéressant de revenir sur ce format-là, la cassette. Mais évidemment, donc tous les autres formats nous plaisent. On aimerait faire un vinyle un jour ou l'autre, ce qui est extrêmement coûteux en ce moment. Donc on aimerait faire du vinyle et d'autres formats derrière. Et donc les cassettes de l'étiquette grise sont disponibles sur Bandcamp, sont disponibles en magasin aussi. Et c'est drôle parce qu'en magasin, c'est pas un format qui se vend extrêmement bien, c'est plutôt vraiment en performance. C'est vraiment en spectacle que souvent les cassettes finissent par circuler. Donc on vous invite à venir voir nos performances. Sinon, ben, avec Bandcamp, on peut vous l'envoyer peu importe où vous êtes dans le monde. Alors Sylvain Aubé, il s'agit d'une démarche vraiment intéressante. On peut retrouver l'ensemble de tes travaux et de tes projets de collaboration sur Bandcamp en faisant une petite recherche. Alors je te remercie beaucoup pour cet entretien lumineux, intéressant, réalisé dans des conditions téléphoniques pas toujours évidentes. Alors merci, on se dit à la prochaine. C'est un plaisir, merci. Alors voilà ce qui complète la croche-oreille pour ce soir sur des sonorités de l'album intitulé « Musique austère » de Sylvain Aubé. Je vous invite à chercher la croche-oreille sur la toile pour nous écouter en balado-diffusion et prendre connaissance des pièces au programme de ce soir. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 21h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore avec la croche-oreille. Et d'ici là, eh bien, soyez attentifs au son autour de vous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.